Bonjour mes frères et sœurs, et nous entreprenons ce matin le troisième partage dans le deuxième chapitre de Timothée. Notre Père du ciel, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Nous continuons parce que tu nous fortifies. Nous restons fidèles parce que tu es fidèle. Et tout ce que nous vivons par toi et pour toi. Et c'est pour ça, Seigneur Dieu, que le jour où nous viendrons devant toi, nous jetterons nos couronnes à tes pieds, disant que tout a été accompli par toi, pour ta gloire. Ô notre Dieu, comme tu l'as fait jusqu'à présent, utilise-nous pour te glorifier même dans notre faiblesse. Tu nous as dit la semaine passée qu'il y a des vases d'usage utiles, des bons vases qui sont utiles pour leur maître. Et nous croyons que nous sommes utiles pour toi, parce que nous sommes tes enfants, tes élus, tes serviteurs, tes servantes. Utilise-nous encore aujourd'hui pour l'avancement de ton œuvre, pour ton royaume. Au nom de Jésus. Ce qu'on a vu dans ce chapitre 2-là, après avoir encouragé Timothée au chapitre 1 à ne pas avoir honte, il dit « Fortifie-toi. Fortifie-toi dans la grâce. » N'oublions pas ici que Paul est en train de parler à Timothée. Et ce Timothée-là, il est en balance. Est-ce que je continue? Est-ce que je persévère? Est-ce que j'avance avec Paul? Est-ce que je continue, même si je risque d'être en prison avec Paul, même si je risque la mort, ou si je recule un peu, si je m'affilie avec d'autres hommes qui prêchent autre chose, qui semblent que pour eux autres, la vie chrétienne, c'est pas comme ça, qui disent d'autres affaires. Est-ce que je reste attaché à la parole de Dieu et accepte d'aller jusqu'à la mort s'il le faut? Ici, ce qui est dit à Timothée n'est pas dit pour fouetter les chrétiens pour qu'ils avancent plus, mais pour aider des hommes et des femmes qui sont dans des moments de difficulté et qui se posent la question par rapport à l'Évangile. Est-ce que je continue ou si j'abandonne? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. J'ai personnellement vécu souvent, depuis 35 ans. Souvent, j'ai vécu des moments où je me suis remis en question. Est-ce que je continue? Est-ce que j'ai bien compris? La preuve qu'il m'a gardé, je suis en train de vous parler ce matin de lui. Toute la gloire lui revient. Et je crois que ce qui m'a gardé, c'est des livres comme 2 Timothée, c'est des livres comme l'Apocalypse, c'est des livres comme 1 Jean, c'est des livres comme Jacques, qui nous stimulent dans notre foi chrétienne. Paul dit à Timothée, « Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Si tu te fortifies dans la grâce qui est en Jésus-Christ, tu vas plaire à ton maître, tu vas être un bon soldat, tu vas être un bon athlète et tu vas être couronné. Tu vas être un bon laboureur et tu vas récolter le fruit. Et vu que tu es mort avec lui, tu vas vivre avec lui. Vu que tu persévères avec lui, Tu vas régner avec lui. Vu que tu es fidèle envers lui, ben lui est fidèle envers lui-même et va accomplir le grand plan qu'il a. Et tu vas être glorifié avec lui pour l'éternité. Et là, il va continuer ce matin en lui disant, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un homme éprouvé. Le mot éprouvé, c'est un mot qui était utilisé pour la monnaie. Une vraie pièce ou une fausse pièce. Ce n'est pas une meilleure pièce, c'est pas une meilleure pièce qu'une bonne pièce. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas efforce-toi d'être un meilleur chrétien que l'autre chrétien. Mais il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme vrai. Comme un chrétien vrai. Comme un enfant de Dieu vrai. Nous, on dirait comme un vrai chrétien. Nous allons voir qu'est-ce qu'il veut dire par là en lisant verset 14 du chapitre 2 jusqu'au verset 18. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avancent toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène, de ce nombre sont Héménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qu'elle renverse la foi de quelques-uns. J'avais parlé un petit peu hier de ce que Paul est en train d'encourager, c'est d'éviter à Timothée, d'encourager Timothée de ne pas entrer dans des grands débats, dans des discussions sans fin, avec des gens qui sont toujours en train de s'ostiner. C'est épuisant, c'est fatigant, et ça n'amène pas la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, rappelle les choses que je t'ai dites. Rappelle ce que je t'ai enseigné. Évite les disputes, les querelles. Ça ne donne absolument rien. Il répète au verset 16, évite les discours vains et profanes. Ça ne donne à rien. Ceux qui font ça, ça va juste... Ils vont juste aller plus loin dans l'impiété. Timothée, ton rôle, toi, c'est d'enseigner, c'est de mettre les fondements de la foi chrétienne envers ceux qui veulent entendre la parole de Dieu, ceux qui veulent suivre l'enseignement de Jésus, ceux qui veulent suivre l'enseignement des apôtres. Enseigne-leur la vérité. Rappelle-leur les choses que j'ai dites. Rappelle-leur l'enseignement de Jésus-Christ. N'est-ce pas la mission que nous avons reçue de Jésus lui-même? Aller par le monde entier? Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai dit. C'est là notre mandat. Mais à qui est-ce qu'on dit ça? Aux disciples. Aux disciples. Ici, il dit, dis-le aux élus. Ne t'ostine pas avec un paquet de monde qui dans le fond, ne veut rien savoir. Mais ceux qui sont intéressés à vouloir apprendre les paroles de Jésus, enseigne-leur les paroles de Jésus. Vous savez que le mot disciple veut dire étudiant. Jésus dit, allez dans le monde, allez chercher des hommes et des femmes qui veulent apprendre de moi. Et quand vous allez avoir trouvé ces hommes et ces femmes qui veulent apprendre de moi, qui veulent être mes disciples, mes étudiants, enseignez-leur ce que moi je vous ai enseigné. Ce que je t'ai enseigné, Timothée, transmets-le à des hommes qui vont le transmettre à d'autres hommes. C'est la même vérité, là. Tu sais, Timothée, il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un homme vrai. Pas un homme parfait. Tu es parfait en Jésus-Christ. On n'a pas besoin de s'efforcer pour être pur. On est pur. Nous sommes des vases purs. Nous avons été créés en Jésus-Christ purs. Nous sommes des hommes et des femmes vrais. Mais comment tu vas savoir si tu es un homme vrai, éprouvé, qui n'aura pas à rougir en arrivant devant Dieu? Quand je vais me présenter devant Dieu et que je n'ai pas dispensé droitement la parole de la vérité, verset 15. Si je n'ai pas transmis la vérité que j'avais reçue des apôtres qui l'avaient reçue de Jésus-Christ, qui était la parole de Dieu, mais que j'arrive devant Dieu, je vais rougir, je vais avoir honte. Si tu as eu honte de moi, quand tu vas être devant moi, tu vas avoir honte. Parce que tu n'as pas dispensé droitement la parole de la vérité. Il y a tellement de monde qui se proclame de Jésus-Christ, mais qui en même temps n'enseigne pas la vérité. Là, il donne l'exemple d'Hyménée et de Philette. Qui disait que la résurrection était déjà arrivée. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Mais une chose est certaine. Si la résurrection est arrivée, ben, moi je ne suis pas ressuscité. Mais la résurrection, selon qu'on comprend dans les Écritures, c'est à la fin. La résurrection de tous les croyants qui vont être ressuscités pour prendre possession des nouveaux cieux et nouvelles terres avec Jésus-Christ. Peu importe ce qu'ils voulaient dire, eux, par cela. Une chose est certaine, c'est que Paul les condamne. Puis ils disent que ce que ces hommes-là enseignaient était faux. Ils dispensaient pas droitement la parole de la vérité. Puis ils réussissaient à détourner de la foi certaines personnes. Toi, Timothée, sois un homme éprouvé. Dispense droitement la parole de la vérité. Frères et sœurs, c'est pas important comment tu n'en sais, mais ce que tu sais, ça doit être la vérité. Et ce que nous savons, nous le transmettons. Nous ne sommes pas tous appelés à être des enseignants, on sait bien ça. Mais nous transmettons tous ce que nous savons. Vous le transmettez à vos enfants. Vous transmettez n'importe quoi à vos enfants. Vous transmettez, pour vous autres, mes soeurs, vous pouvez transmettre à vos enfants comment faire de la cuisine. Vous pouvez leur transmettre toutes sortes de vérités, de valeurs et de principes. Les papas font la même chose. Ils transmettent à leurs enfants des vérités. Vous êtes au travail et Denise, elle a pris un nouveau travail depuis quelque temps. Et qu'est-ce qu'elle a? Elle travaille avec des femmes qui sont là avant elle et ils vont transmettre à Denise comment faire le travail à la nouvelle emploi qu'elle a. Et dans quelque temps, Denise va probablement devenir quelqu'un qui va prendre les nouveaux qui vont venir à cet emploi-là, et elle va aussi devenir une formatrice. Elle va former les nouveaux qui vont rentrer. On enseigne tous de différentes façons. C'est vrai qu'il y en a qui ont reçu le don d'enseigner. Et eux autres vont le faire souvent avec une plus grande emphase. Ils vont y consacrer toute leur vie. Ils vont enseigner. Et je crois que Timothée était un de ceux-là. En général, dans sa vie, Paul l'avait pris, il l'avait formé, et il l'avait laissé à Éphèse, et à Éphèse, il lui dit, Timothée, transmets à ceux qui sont là, qui veulent savoir, transmets droitement, dispense droitement la parole de la vérité. Ne la change pas. La méthode est moins importante que le contenu. Chaque enseignant a ses petites méthodes. Chaque enseignant a sa petite personnalité. Chaque enseignant va avoir ses petites illustrations. Mais chaque enseignant, s'il veut être un homme éprouvé, s'il veut démontrer qu'il est un homme, c'est pas à cause que j'enseigne droitement la parole de ça va me rendre droit, ça va faire de moi quelqu'un de vrai. Mais parce que je suis quelqu'un de vrai, j'enseigne droitement la parole de la vérité. Est-ce qu'on comprend bien ça? Paul est en train de dire ici à Timothée, « Timothée, c'est ce que tu as reçu de moi. Tu le transmets simplement, complètement, totalement, à ceux qui veulent l'entendre. Tu es un homme éprouvé. Et quand tu vas partir de ce monde et que tu te vas te présenter devant Dieu, tu n'auras pas à rougir. » Ce qui va nous faire rougir devant Dieu, c'est pas que je vais avoir regardé la télévision trop longtemps. C'est pas que je vais avoir acheté une trop grosse auto. C'est pas que je vais avoir tombé dans le péché. Ce qui va faire de moi, mec, j'arrive devant Dieu, est-ce que je vais avoir transmis droitement la vérité que j'avais reçue à l'autre génération d'élus? Si oui, j'aurai pas à rougir. Sinon, je vais être rouge comme une tomate. Et je serai pas avec Dieu. Il va me chasser de sa présence. Il va me repousser parce que j'aurai pas dispensé droitement ce que j'avais reçu. Notre Père du ciel, nous voulons être des hommes et des femmes éprouvés, des vrais. Et tu nous dis, c'est que le test, je peux appeler ça comme cela, c'est est-ce que je transmets la parole de la vérité à l'autre génération? Lorsque je suis une femme à la maison, au travail, un homme à la retraite, dans les centres d'hébergement, dans les hôpitaux, peu importe où est-ce que je suis, peu importe l'âge que j'ai en tant que chrétien, je suis appelé à transmettre la vérité que j'ai reçue. Seigneur, c'est pour ça que nous te demandons de nous diriger quand nous étudions. C'est pour ça que nous te demandons de nous illuminer quand nous lisons les Écritures. C'est pour ça que nous te demandons que ton esprit soit à l'œuvre en nous. Fait qu'on comprenne bien et qu'on dispense bien. C'est notre désir, Seigneur. C'est notre désir profond qui vient de l'Esprit de Dieu qui est en nous. De dire droitement, complètement, ce que tu nous as transmis. Parce que nous savons que c'est ça qui va te glorifier. Au nom de Jésus.